Alors on lutte tous, alors on tourne en rond. Nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les cas nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. Alors on tourne en rond. On est les hommes, cette race, on aura mal tant que les cas nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. Parce qu'on a honte de nous, à différents stades, mais on stade à donner le meilleur. À se détourner des faussaires et des frayeurs, partir ailleurs. Là où les hypocrites sont bannis, là où les rumeurs sont ennemis de nos hôtes avec les photomises. Commis en trop, mec, j'suis misanthrope. J'suis porte les sauts, mais pas les cons qui jactent et disent à mise au top. J'suis obligé d'être vrai, j'peux pas faire autrement que dénoncer les faits quand l'un se croit aimé et puis que autrement. Parce que j'ai honte de vous, mais c'est ma pensée propre. Après je suis âpre dans mon hip-hop devant l'âtre. C'est chaud mais je fais du rap. Donc je dis ce qui est parmi les sauces, les faux qui sont présents mais durs à distiller. J'ai la haine envers eux, les tueurs corrompus, les putes, les flics corrompus et avocats véreux, les fanatiques, les traîtres et les sataniques, les lâches, les fachos et ceux qui ont le sourire ironique. Alors on lutte. Alors on tourne en rond, nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. Alors on tourne en rond, nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. À force de se taire, on souffre en silence dans ce monde austère où c'est difficile de suivre la cadence, où les gens dociles se laissent entraîner, où on s'intéresse au passé, aux fossiles qui nous ont freinés. On est distancé, l'avenir efface les mœurs ancestrales. Ma prestance, c'est juste ma prose en quelques stances. En s'estant, les temps sont durs. On nous apporte la confusion, on fait des choix bêtement sans cesser les illusions. Tu sais à quoi je fais allusion. Rappelle-toi les derniers pourcentages aux dernières élections, y'a rien de plus con que ça. Le quinquennat présidentiel, imagine, moi j'ai même pas de Dieu qui réside dans le ciel. J'ai juste mes yeux pour voir, aucune place n'est à pourvoir. À gauche dans les cieux, donc j'nique le pouvoir. J'ai juste mes yeux pour voir, aucune place n'est à pourvoir. À gauche dans les cieux, donc j'nique le pouvoir. Alors on lutte tous, alors on tourne en rond. Nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. Alors on tourne en rond, nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. On passe notre temps à le perdre, des années défilent et on les compte plus. On fait le décompte de celles qui restent, oublie celles qui ont plus. On remercie nos pères. Mais au fond ce qu'on est c'est juste leur image améliorée. Car on fait ce qu'ils font, déçu d'être né, d'appartenir à telle ou telle ethnie. Apparemment faudrait être nié vu tout ce qu'il y a à appartenir. J'ai peur pour l'avenir, je me gave d'artifice et partifice. J'évacue le passé par chaque orifice. Horrifié, plus rien n'est plaisant. Le présent étant stressant et les barrières devant nous stressant. On devient blessant, le démon descend. Il peut descendre, les humains brûlent dans un enfer décent. J'ai honte et pitié donc je blâme. On débute par des sourires, on termine par un drame et par des larmes. On sait rire, on sait pleurer donc on sait vivre. C'est qui s'éverse, déverse donc il faut sévir. Alors on lutte tous, alors on tourne en rond. Nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion. Alors on tourne en rond, nous on est les hommes, cette race on aura mal tant que les gars nous retarderont. Alors l'état nous ronge et les états nous plongent dans la division et la confusion.